الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا مجلسنا الثاني في دراسة نظم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى السير إلى الله والدار الآخرة وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. Nous sommes arrêtés durant l'assise précédente au septième vers. Faites de faire ce qui est obligatoire ainsi que ce qui est recommandé et leur habitude tout en regardant, en ayant comme regard sur leur propre personne des défauts et des imperfections. Ensuite, il nous dit, rahimahullahu ta'ala, صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. Ou bien, صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. Leurs âmes endurent sur tout ce qui leur est difficile, désireux en ce que cela implique comme bienfaisance. Ici, il nous parle de manzilatu sabr, de l'étape de l'endurance. Le croyant qui emprunte le chemin d'Allah et qui espère avoir une bonne place dans l'au-delà doit absolument avoir as-sabr, l'endurance. Et as-sabr, l'endurance, dans la langue arabe, c'est al-habs. Wa shar'an habsu an-nafs. Habsu an-nafs. في طاعة الله أن يداوم على طاعة الله ويمتثل أوامره وصبر على أقدار الله المؤلمة يتصبر عند القضاء وصبر عن معصية الله حتى لا يقع فيها. L'endurance, c'est le fait d'emprisonner sa personne dans trois situations, dans trois choses. L'endurance dans l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire la régularité dans l'obéissance d'Allah, la constance dans l'obéissance d'Allah. Deuxièmement, l'endurance devant la désobéissance d'Allah, afin de ne pas tomber dans celle-ci. Et troisièmement, l'endurance lors du décret d'Allah, de ce qui peut nous être difficile, comme la maladie, comme la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites de ceux qui patientent et a annoncé la bonne nouvelle aux endurants. Wa bashiri sabiri. Il nous dit dans son livre et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, disent c'est à Allah que nous appartenons. Et vers lui se fera notre retour. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur adresse ses prières, c'est-à-dire il fait leurs éloges et leur accorde la pitié et la miséricorde. Oulaïka alay, oulaïka ajil aya alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala adresse ses éloges et sa miséricorde. Allah nous dit également innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, Allah rétribuera, récompensera les endurants d'une récompense sans compter. Ibn Athaym nous dit, c'est-à-dire qu'elle est immense. On n'a pas dit une bonne action donnera suite à 10 fois son semblable. Non. Mais bighayri hisab, sans compter. Ça prouve que la récompense est immense. Et Allah Azza wa Jalla accorde aide et assistance aux endurants. Allahumma as-sabiri. Allah est avec les endurants. Lors de l'ordre, le serviteur doit être endurant pour pouvoir l'appliquer et rester constamment dedans. Lors du péché, il doit être endurant, supporté pour ne pas tomber dedans. Et lors du malheur ou de la difficulté, il doit se montrer endurant pour ne pas se révolter devant le décret d'Allah, pour ne pas prononcer de mauvaises paroles, pour ne pas faire de mauvaises actions. Allah nous dit en Coran « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ » Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Al-Qama, rahimahullah, explique ce verset et dit « C'est celui qui est touché par un malheur. Il sait que ça vient d'Allah, c'est Allah qui décrète tout. Alors il patiente, il endure, Allah guide son cœur. » Donc le servant, il doit être endurant lors du malheur, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit la perte de l'être aimé, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la difficulté ou l'épreuve des enfants ou autre, il doit se montrer endurant et savoir que tout ce qui a lieu dans les cieux ou sur la terre, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا الى ما فيه من احسان. Qu'est-ce qui les a aidés à être endurants, à patienter, à supporter? C'est parce qu'ils connaissent la récompense qu'Allah a prévue pour les endurants. Ainsi, celui qui craint Allah et qui se montre endurant, il fait cela en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait cela en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala nous dit نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. Ils passent désormais par l'étape de l'agrément. Ils passent désormais par l'étape de l'agrément, de la satisfaction. Donc il y a l'étape de l'endurance, ça c'est obligatoire. Sobre, c'est obligatoire. Au-dessus du sabr, il y a manzilatul rida, et l'étape de l'agrément et de la satisfaction. C'est-à-dire qu'il est dans le malheur, ça lui est difficile, mais il combat son âme pour ne pas dire de mauvaises choses, pour ne pas faire de mauvaises choses, pour ne pas penser de mauvaises choses. Ça, c'est l'endurance, c'est obligatoire. Il se retient, ça lui est lourd, difficile, amer, mais il supporte. Ça, c'est sabr, c'est obligatoire. Au-dessus du sabr, il y a rida, la satisfaction. C'est la même chose, sauf qu'il est satisfait de ce qu'Allah a fait de lui, et son âme ne lui dispute pas cette étape-là, cette station-là. Il n'y a plus cette amertume, il ne ressent plus cette difficulté, mais il est satisfait. Il agrée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui. Il se soumet à ce qu'Allah a décidé. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. la personne accepte le décret, les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les jugements religieux ou que ce soit les jugements universels. La poitrine apaisée, la poitrine élargie, son âme est tranquillisée. Et Ibn Sa'di nous dit « قَدْ أَصْبَحُوا فِي جُنَّةٍ وَأَمَانِ » Il se retrouve désormais dans Mada, soit préservé et en sécurité, et si c'est Jannah, ou bien dans les jardins et la sécurité. Pourquoi cela? Parce que comme Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, celui qui est au niveau de Manzilatul Rida, de l'agrément, les différents événements ne modifient pas sa situation. Quel que soit ce qui lui arrive, il est satisfait parce que ça lui vient d'Allah. Donc lui, il est apaisé, il est tranquille. Si on lui donne, il est satisfait. Si on ne lui donne pas, il est satisfait. S'il a la santé, il est satisfait. S'il est malade, il est satisfait. Les différents événements ne modifient pas son état. Il est constamment apaisé par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui décrète de par la connaissance qu'il a de la bonté de son Seigneur, de la miséricorde de son Seigneur, de la pitié de son Seigneur, de l'affection de son Seigneur, et ainsi de suite. نَزَلُوا بِمَنْزِلَةِ الرِّضَى فَهُمْ بِهَا قَدْ أَصْبَحُوا فِي جُنَّةٍ وَأَمَانٍ. Après nous avoir mentionné le degré du sabr, l'endurance qui est obligatoire, puis الرِّضَى qui est recommandé, qui est mustahab, il nous cite encore une étape au-dessus. C'est manzilatul shukr, l'étape de la reconnaissance. L'étape de la reconnaissance. Shakaru alladhi awla al-khala'iq fadlahu bil-qalbi wal-aqwali wal-arkani. Ils se sont montrés reconnaissants envers celui qui a comblé de ses grâces ses créatures. Avec le cœur, les paroles et les membres. Donc, ils ont atteint la station, le degré de la reconnaissance. Al-shukr, c'est al-i'tiraf, c'est le fait de reconnaître que tout ce qui te touche comme bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. De louer le donateur avec ta langue et de faire ses éloges. Et d'utiliser ses bienfaits à la recherche de son agrément. Ash-shukr, avec le cœur, c'est reconnaître que ça vient d'Allah, ce bienfait. Et aimer encore plus Allah. Avec la langue, faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et le louer pour cela. Avec les membres, utiliser ce bienfait dans ce qui plaît à Allah. Et ne pas utiliser ses bienfaits pour lui désobéir. Allah dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que cela ne provienne d'Allah. Tout ce qu'on a comme bienfait, ça vient d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Fais ses éloges. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Agissez, ô vous la famille de Daoud ou les suiveurs de Daoud, avec la reconnaissance. Et peu parmi mes serviteurs sont très reconnaissants. Donc, al-shukr, c'est pas que dire avec la langue alhamdulillah. Non. Al-shukr, avec le cœur, tu reconnais que ça vient d'Allah. Que c'est que grâce à Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu aimes encore plus Allah parce que celui qui donne, ton amour pour lui augmente. Et Allah, c'est celui qui donne tout. Tout ce que tu as te provient d'Allah. Avec la langue, tu fais les éloges d'Allah. Laoula Allah, mahtadayna, wala sallayna, wala tasaddaqna. Tu fais les éloges d'Allah. Alhamdulillah, ala l'islam, ala ni'mati inzali al-Qur'an, ala bi'athati sayyidi al-anam, alhamdulillah, tusni ala Allah. Et avec tes membres, tu adores Allah. Et tu utilises ce qu'Allah t'a donné pour lui obéir. Pas pour faire des péchés. Les anciens disaient, qui est pire que le serviteur qui prend les bienfaits d'Allah pour lui désobéir? Non. Donc, ils ont atteint le niveau de la reconnaissance dans le malheur. Comment cela se manifeste? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve par un test et par un malheur. Et eux, de par la grande connaissance qu'ils ont d'Allah, ils remercient Allah de les avoir mis dans ce malheur. Parce qu'ils savent qu'Allah fait pour eux mieux que ce que leurs propres parents font pour eux. Et ils ont une croyance ferme quant au fait qu'Allah, il est alimun hakim. Il est savant et il est sage. Et ce qu'Allah fait, c'est la meilleure chose. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. Et que le mal ne revient jamais à lui. Donc, ils ont patienté. Ils ont agréé. Ils ont même été reconnaissants. Ils ont remercié Allah de les avoir mis dans ce malheur. Parce que quand ils pensent à la récompense, ils oublient la difficulté. Et aussi, ils connaissent Allah de par ses attributs de perfection, donc ils savent qu'Allah ne fait sur eux que le bien. Donc ils se sont montrés reconnaissants envers celui qui a donné à l'ensemble des créatures de ses grâces, de ses bienfaits. Et cette reconnaissance, ils l'ont manifestée avec le cœur, les paroles et les membres, en adorant Allah Azza wa Jal. La personne, elle ne doit pas voir que ce qu'elle a, ce qu'elle possède, c'est grâce à elle-même. Mais elle doit dire, c'est grâce à Allah. Et sans Allah, je ne peux rien avoir, je ne peux rien faire, je ne peux rien acquérir. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-abdu al-muslim al-mu'min al-waffaq yatawadha lillah. Wa yastahi min Allah. Le serviteur qui craint Allah, qui est pieux, il est humble devant Allah, devant les bienfaits d'Allah. Il a honte, il sait que ça vient d'Allah, il sait qu'il n'a aucun mérite dans ça. Allah te donne parce que tu as fait un peu des fois. Allah te donne par moment et tu n'as rien fait pour avoir. Allah t'a créé et tu n'as aucun mérite dans cela. Allah t'a donné l'air, la vue, l'ouïe, le cœur, il t'a donné des membres. Tu n'as rien fait pour ça. C'est fadlun, fadlun min Allahi wa ni'ama. Tout ça, c'est grâce à Allah. La guider à l'islam, le Coran, et combien d'autres bienfaits, on ne peut pas les compter ni les dénombrer. Allah nous dit dans le Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous essayez de dénombrer, d'énumérer, de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Vous ne pourrez le faire. Donc, on doit avoir cette adoration-là, cette servitude-là, témoigner notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Al-Nazim nous dit « Sahibu tawakkula fi jami'i umurihin ma'a badli juhdin fi rida ar-Rahmani. Sahibu tawakkula. » Ici, Al-Nazim nous mentionne la station du tawakkul. La station du tawakkul. Tawakkul, c'est le fait de compter pleinement sur Allah et de lui abandonner notre affaire et d'avoir pleinement confiance en lui quant à l'obtention de ce qu'on recherche ou la protection ou la préservation devant ce qu'on redoute. Tawakkul ala Allah. صدق اعتماد القلب على الله مع الثقة به في جلب منفعة أو دفع مضرة. صدق اعتماد القلب على الله. C'est le fait de véritablement compter sur Allah avec son cœur et d'avoir pleinement confiance en lui quant à l'obtention d'un bienfait recherché ou à la préservation d'un mal redouté. التوكل, c'est compter sur Allah. At-tawakkul, c'est abandonner son affaire à Allah. At-tawakkul, c'est avoir une bonne opinion d'Allah. At-tawakkul, c'est faire en abandonnant son affaire à Allah. At-tawakkul, c'est le fait de faire les causes sans compter sur les causes. Ça, c'est at-tawakkul. Ça, c'est at-tawakkul. At-tawakkul, c'est pas le fait de s'asseoir et d'attendre que les choses se passent. Ni le fait de faire et de compter sur sa force. Non. At-tawakkul, al-mutawakkil ala Allah, ya'mal wa yufawwid amrahu ila Allah. Ya'mal wa ya'tamid ala Allah. Ya'mal wa yathiqu billah. وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ المتوكل, celui qui a confiance en Allah, qui place sa confiance réellement en Allah, c'est celui qui fait les causes pour obtenir une chose, mais qui compte sur Allah. Il ne compte pas sur sa force, il ne compte pas sur les créatures. Son cœur, son corps, ses membres, plutôt son corps, ses membres sont sur le bas monde, mais son cœur est dirigé vers le ciel, vers Allah Azza wa Jalla. Son cœur, il est dirigé vers Allah. Son cœur, il n'est pas dirigé vers les créatures. Allah nous a ordonné le tawakkul dans le Coran. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Ça, c'est un ordre d'Allah. Donc, le tawakkul, c'est une adoration. Parce que ce qu'Allah nous ordonne dans le dîn, c'est qu'il l'aime et l'agré. Donc, c'est une adoration. In kuntum mu'minin. On a rattaché la croyance au tawakkul. À la présence du tawakkul, ça prouve que c'est une adoration des plus obligatoires. C'est une adoration des plus obligatoires. La personne qui place sa confiance en Allah devient la personne la plus forte. Devient la personne la plus forte. Sahibu tawakkul fi jami'i umurihim. Dans toutes leurs affaires, ils avancent en plaçant leur confiance en Allah. Le tawakkul est leur compagnon qui les accompagne dans l'ensemble de leurs œuvres et de leurs actions, dans l'ensemble de leurs affaires. Dès qu'ils veulent faire une chose, il y a avec eux un tawakkul. Ils ne font rien sans s'aider d'Allah. Ils ne font rien sans compter sur Allah. Ils voient d'eux qu'ils sont incapables. Ils voient d'eux qu'ils sont faibles, wa khuliqa al-insanu da'ifa, mais qu'avec Allah, ils sont forts. Avec Allah, ils sont capables. Grâce à Allah, ils peuvent faire beaucoup. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est celui qui a at-tawakkul. Sahibu at-tawakkul fi jami'i umurihim. Ils sont accompagnés du tawakkul dans l'ensemble de leurs affaires. Ma'a badhli juhdin fi ridha ar-rahmani. Tout en faisant des efforts dans la recherche de l'agrément du tout miséricordieux. Ici, on a la réalité du tawakkul. Un tawakkul, c'est pas que abandonner son affaire à Allah, compter sur Allah. Il faut aussi agir. Il faut aussi faire les causes. Un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, concernant sa chamelle, est-ce que je l'attache ou je place ma confiance en Allah? Je compte sur Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit i'qil had wa tawakkal ala Allah. Il lui a dit attache-la et compte sur Allah. C'est-à-dire fais les causes aussi. Fais les causes. Le fait de faire les causes, ça fait partie du tawakkul. Allah Azza wa Jalla nous éduque dans beaucoup de passages du Coran sur le tawakkul en faisant les causes. Par exemple, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il lui ordonne de partir de nuit, alors Moussa se sauve avec Bani Israël, mais Pharaon se lance à ses trousses avec son armée. Et c'est là que Moussa a devant lui la mer. Alors Allah Azza wa Jal, de par son tawakkul, lui ferait une issue. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَحَسْبُهُ. Parce que celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il lui suffit pour tout contre tout le monde. Le peuple de Moussa dit إِنَّ لَا مُدْرَكُونَ. Nous sommes cernés. Il y a Pharaon derrière nous, il y a la mer devant nous, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Mais Moussa alayhi salam, al-mutawakkilu ala Allahi rabbil alamin, lui dit kalla inna ma'iya rabbi. Jamais. Allah m'a promis, Allah m'a fait une promesse et Allah ne manque pas à sa promesse. Il y a avec moi mon Seigneur. Il y a avec moi mon Seigneur. Du fait que Moussa alayhi salam a compté sur Allah et a fait les causes, il est parti. Allah lui a frayé un chemin. Idrib bi'asak al-bahr. Tape la mer de ton bâton. Est-ce qu'un bâton peut faire quelque chose devant la mer? Non. Mais Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Allah ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jalla lui a dit de faire la cause et c'est Allah qui gère la suite. C'est Allah qui gère le tout. Fan falaq. La mer s'est soulevée et elle a frayé 12 chemins. Elle s'est élevée comme des montagnes enracinées. Et là, ils ont pu passer. Ils ont marché sur le sol de la mer. Yabas, Allah nous dit que la terre était sèche, comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Fatabarak Allah, Rabbul Alamin. Ils ont traversé la mer. Ils sont sortis de l'autre côté. Pharaon et sa troupe est entrée. Allah Azza wa Jal a ordonné à la mer de se refermer. Et il les a noyés. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en partant de la bataille de Uhud, il entend que Kuffar Quraysh lève à nouveau une armée et disent on va en finir avec Mohammed, on va tous les terminer. Et là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. حسبي الله ونعم الوكيل. Allah me suffit. Et quel bon garant. Allah me suffit. Et c'est le meilleur auprès de qui j'abandonne toutes mes affaires. On lui a dit les gens se sont réunis contre toi. Il a dit حسبي الله ونعم الوكيل. Allah mit la peur dans le cœur de Kuffar Quraysh. Et au final, ils ont abandonné cette idée. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils ont comploté contre lui, après avoir épuisé tous leurs arguments, Ibrahim alayhi salam les a mis en déroute avec la parole, avec la science, avec la fermeté sur la vérité. Alors ils se sont dirigés vers l'arme des faibles. Ils ont attisé un feu ardent. Ils l'ont catapulté dans le feu. Parce qu'il a dit « La ilaha illallah ». Parce qu'il leur a dit « Arrêtez de vous diriger vers les tombes, vers les pierres, vers les saints, vers les sorciers, vers adorer que Allah. Ida sa'al tafas alillah, demandez que Allah. Ils n'ont pas accepté de da'wat al-tawahid. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yakuluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Ils n'aimaient pas qu'on appelle Allah uniquement. Ils ne veulent pas qu'on dise adorer que Allah. N'allez pas voir le wali, n'allez pas voir le marabout, n'allez pas voir le fqih, n'allez pas voir le mort, n'allez demandez que Allah. Dans l'aisance, dans la difficulté, demandez que Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis ma vie, dis ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika la. Ibrahim alayhi salam les a appelés à da'wat al-tawhid, da'wat al-anbiya wa al-rusul alayhum salam. Ils ont refusé, ils ont allumé un feu et ils ont jeté Ibrahim dans ce feu alayhi salam. Mais Allah azza wa jal, celui qui place sa confiance en lui, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ibrahim alayhi salam a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et dans une version, la dernière parole qu'il a prononcée quand ils l'ont jeté dans le feu a été Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Allah nous dit dans le Coran Qulna ya naru koudi bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous ordonnâmes au feu d'être paix et fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Fakanat. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre lui est soumis. le feu qui a pour nature de brûler, de détruire, s'est soumis à Allah. Et il n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam. Tout cela pour dire que celui qui concrétise cette adoration, yusbihu aqwan nas, il devient le plus fort. Il est préservé, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait de chez lui, kana yatawakkal ala Allah. Il nous dit, ou bien sa sunna quand il sortait, il avait plusieurs invocations. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand il sortait de chez lui, bismillah, au nom d'Allah. Tu sors de chez toi pour aller à la salle, tu sors de chez toi pour aller travailler, tu sors de chez toi pour visiter des proches, tu sors de chez toi pour faire quelque chose. Quelle que soit ton affaire, tu as besoin de placer ta confiance, de compter sur Allah. Bismillah, au nom d'Allah, tu sors. Tawakkaltu ala Allah. J'ai abandonné mon affaire à Allah, je compte que sur Allah, je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui va travailler, il a besoin de tawakkul pour prendre que le halal et délaisser le haram. Celui qui veut faire une adoration, il a besoin de tawakkul ala Allah, de compter sur Allah, espérer la récompense, avoir peur de ne pas se voir accepter, agréé. Tawakkul ala Allah t'accompagne dans toutes tes œuvres. Même quand tu délaisses le péché, tu as besoin de tawakkul ala Allah. Tu as besoin d'abandonner ton affaire à Allah, de compter sur Allah pour réussir ce combat contre ton ennemi déclaré al-shaytan. Donc, le tawakkul, ça a une grande place dans la vie du musulman. Et avec le tawakkul, il fait aussi les causes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith de Suhaib, radiallahu anhu, « Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. » Fais ce qui t'est profitable. Agis. Fais les causes. Et cherche l'aide chez Allah. Ça, c'est tawakkul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Ça, c'est le but, c'est l'adoration. Wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que nous cherchons l'aide. Ça, c'est la cause qui va nous aider à concrétiser ce but. Donc, dans l'adoration, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour chercher la subsistance, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour éduquer les enfants, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour chercher la science, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour arrêter les péchés, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour conseiller le bien, on a besoin de tawakkul ala Allah. Pour blâmer le mal, on a besoin de tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah accompagne le serviteur dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il délaisse. Donc le serviteur doit montrer son incapacité, sa faiblesse, son besoin chez Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes. Puis Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: abadu l'ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabarra'u fi manzil al-ihsan. C'est plutôt fatabawa'u. Ici j'ai fatabarra'u, c'est plutôt fatabawa'u. Fatabawa'u fi manzilil ihsani. Abadu l'ilaha ala i'tiqadi hudurihi. Fatabawa'u fi manzilil ihsani. Donc, ils ont adoré la divinité, c'est-à-dire Allah, tout en ayant comme conviction sa présence. Sa présence. فَتَبَوَّأُوا فِي مَنْزِلِ الْإِحْسَانِ. Ils ont alors pu avoir accès au degré de l'excellence. الْإِسْلَامُ ثَلَاثُ مَرَاتِبُ. الْإِسْلَامُ ثم الإيمان ثم الإحسان. وفي الحديث أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى عبد الإله على اعتقاد حضوره، أي منزل الإحسان. Donc ils ont adoré la divinité en ayant comme croyance sa présence. Comme dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, lorsque Jibril est venu questionner le prophète alayhi salat wa salam, il l'a questionné sur l'excellence. Le prophète alayhi salat wa salam lui a dit, l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Tu ressens la présence d'Allah azza wa jal. Tu l'adores comme si tu le voyais. Avec la perfection de l'amour. Avec la perfection de l'envie et de l'amour. Et si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça c'est le degré de l'ihsan. Le deuxième degré de l'ihsan, c'est la perfection de la peur. Tu adores Allah en ayant la certitude qu'il est présent, qu'il te voit, qu'il te surveille, qu'il t'entend. Ça c'est l'ihsan, c'est le plus haut niveau dans l'islam. C'est adorer Allah avec la perfection de l'amour, adorer Allah avec la perfection de la peur. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, alors, en ayant la certitude, en ressentant qu'il te surveille, qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il t'observe. Celui qui a toujours cela présent dans son cœur, ça l'empêchera de se diriger vers autre qu'Allah pendant l'adoration. Au moment où il fait l'adoration, s'il a ce degré-là, l'ihsan, son cœur sera complètement dirigé vers Allah. La perfection de la sincérité, la perfection dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la perfection. Alors il ne pourra pas penser à autre qu'Allah. Il ne pourra pas tomber dans riya, l'ostentation, wal-iyadu billah. Il ne pourra pas faire ça pour autre qu'Allah. Parce qu'il est là dans la recherche de l'excellence. Il est là en train de parfaire son acte. Ce sont ceux-là qui ont le niveau de l'excellence. Il sera préoccupé à compléter son acte, à faire de la meilleure façon qui plaît à Allah. Il sera préoccupé par le fait de ne pas faiblir dans cette adoration, de ne pas faire ni dire ce qui va diminuer sa récompense. Et pour atteindre le niveau du ihsan, il faut un entraînement, il faut une constance, il faut chercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut s'éduquer. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons dans nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Il faut faire des efforts. Il faut obtenir la conscience, la régularité. Le premier, c'est maqam al-mushahada. C'est adorer Allah comme si tu le voyais. Le deuxième, c'est maqam al-muraqaba. C'est ressentir que tu es surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus haut degré en islam. Cela est le plus haut degré en islam. Ensuite, Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: "Nasahu al-khaliqata fi ridha mahbubihim bil-'ilmi wal-irshad wal-ihsani. Nasahu al-khaliqata fi ridha mahbubihim bil-'ilmi wal-irshad wal-ihsani." Ils avancent avec les créatures, ou plutôt il prodigue le conseil sincère, il prodigue le conseil sincère aux créatures en les orientant et en recherchant eux-mêmes l'agrément de leur bien-aimé. Le musulman a dans ses provisions pour aller vers Allah an-nasiha. An-nasiha li kulli ahad. Il est sincère envers tout le monde. Il dit la vérité à tout le monde. Il cherche à orienter tout le monde, à éloigner du mal tout le monde. Après avoir eu le bien sur sa propre personne par la grâce d'Allah, après avoir appliqué le bien il veut maintenant le bien pour les autres autour de lui. Il veut maintenant le bien pour les autres autour de lui. نصح الخليقة في رضا محبوبهم. Ils ont aimé pour les gens donc ce qu'ils ont aimé pour eux-mêmes dans le bien. Et ils ont fait des efforts pour dissiper le mal qui les touche eux et qui touche les autres. De quelle manière? Quelle est la cause? بالعلم والإرشاد والإحسان. Avec la science, avec l'orientation, avec la bienfaisance. Pas en contraignant les gens, pas en forçant les gens, mais en leur faisant aimer le bien. Mais avec la science, en apprenant déjà nous-mêmes, en apprenant du Qur'an, de la Sunna, en cherchant l'explication comme l'ont compris les compagnons du Prophète sallam, en suivant la voie du Prophète sallam, en corrigeant notre comportement, notre façon de nous tenir, de se tenir, de s'habiller, de parler, de prier, de jeûner, de marcher, dans tout. Alors ils sont partis voir ensuite les gens pour les tirer vers le bien, pour les éloigner du mal, avec science, avec bonne orientation et avec bienfaisance. Quand il fait ça, il n'attend pas de récompense. Quand il fait ça, il fait ça pour Allah. Quand il fait ça, il fait ça à la recherche de l'agrément d'Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur. Il n'appelle pas à lui. Il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça à la recherche de l'agrément d'Allah. Il fait ça pour que les gens reviennent à Allah. Appelle au chemin de ton Seigneur avec la sagesse, avec la bonne exhortation et discute avec eux de manière convenable. Allah nous dit en Coran, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. Dis au messager d'Allah. Dis-leur, voici ma voix. C'est quoi la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? J'appelle à Allah. C'est ça sa voix. Avec clairvoyance, avec science. Moi et ceux qui me suivent. Donc celui qui suit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens à Allah. Après avoir appris et appliqué, il appelle les gens à Allah. Il se soucie des autres. Mais comment est-ce qu'il fait pour appeler les gens à Allah? Il est ignorant, il sort, il va partout, il va appeler les gens à Allah avec djahl. Il va parler dans la religion d'Allah sans science? Non. Bil ilmi wal irshad wal ihsan. Ad'u ila Allah ala basir, avec la science. Celui qui est sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam, il appelle à Allah avec science, il apprend, il applique, puis il appelle. Par contre, celui qui dit, moi je vais faire da'wah, et moi je vais faire le khuruj fi sabilillah, comme ils disent. Et moi je vais au Pakistan, et moi je vais en Inde, et je laisse ma famille, et je laisse mes enfants. Et moi je vais m'occuper de ce qu'il y a là-bas, ici, et j'abandonne ma famille. Quelle religion appelle à ça? Quelle sagesse appelle à ça? Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Allah Azza wa Jal ordonne dans le Coran d'avertir d'abord les proches parents. Ibn Abi Nafs, c'est que tu commences par toi. Tu commences par tes parents, tu commences par tes enfants, femmes, voisins, tantes, oncles, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que tu peux aller dans un autre pays et toi tu abandonnes ta famille et tu dis que moi je sors fils abilillah? Ça, c'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes Allah, tu suis le prophète sallam dans tout et dans da'watu ila Allah. T'appelles pas à ce que tu veux, t'appelles pas à toi, t'appelles pas à un groupe, t'appelles pas à une secte, t'appelles pas à un shir. Celui qui aime mon shir, je l'aime. Celui qui n'aime pas mon shir, c'est mon ennemi. Tu ne fais pas l'alliance et le désaveu sur ton shir. Ça n'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la révélation, qui a été éduqué par Allah. Tout ce qu'il dit, c'est bon. Et sa voix, c'est une preuve en soi. Non. Ça c'est le hizbiyya, c'est le sectarisme, wal'iyadu billah. C'est pas sunnah. C'est pas sunnah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, il est interdit de faire l'alliance et le désaveu sur une personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le hizbiyya, c'est pas sunna. Mais malheureusement des jeunes ont été éduqués sur des choses pensant que c'est sunna. Mais le fait qu'ils n'aient pas accès à la langue arabe, ils n'ont pas accès aux savants qui corrigent les mauvaises idéologies, ils n'ont pas accès aux savants qui éduquent sur la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se disputent entre eux. Parce que, et lui, il fait l'alliance avec tel shir, et l'autre, il fait l'alliance avec tel shir. Et celui qui dit que mon shir a tort, je le déteste. Et celui qui dit que mon shir a raison, même s'il ne le connaît pas, il ne l'a jamais entendu, il ne l'a jamais vu, alors c'est le meilleur. Allahu Akbar. Il est prêt à combattre pour son shir. Mais quand on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur ne bouge pas. Et quand on lui dit de s'asseoir pour apprendre le hadith du prophète sallam, il n'arrive pas à s'asseoir, il est occupé. Puis il dit qu'il est un défenseur de la sunna et qu'il se met en colère pour Allah. Kadhib. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Tu aimes pour Allah parce qu'il est obéissant vers Allah, parce qu'il suit la voie d'Allah. من أحب لله وأبغض ومن أحب في الله أو أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. La personne a fait nasiha à tout le monde. Elle les appelle à Allah, pas à elle, pas à sa voix, pas à sa secte, pas à son cheikh. أدعو إلى الله. Ad'u ila la ilaha illallah. On appelle les gens à revenir au tawhid, à adorer Allah seul d'un culte sincère. On veut que l'ensemble des fronts se posent sur le sol d'Allah, pour Allah. Et qu'ils se posent à la manière dont nous enseigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est sunnah. Par contre, tu n'as pas vu les preuves et ton cœur penche déjà vers tel shir. Ça c'est ta'assoub, mais il est caché. Et la personne elle-même peut ne pas s'en rendre compte. Il y a une divergence entre un tel et un tel. Lui, son cœur penche déjà vers son ami, vers son cher ou vers... Tassoub, c'est du fanatisme. Après avoir vu les preuves, après avoir pesé les preuves, s'il a de la science pour peser, sinon il n'a pas la capacité, il ne rentre pas dedans, il pose la question à un savant qui lui jugera. Donc il faut purifier les cœurs et donner le nasiha à les muslimines, véritablement. Tu ne dois pas faire les liens avec les gens selon celui qui te donne, je l'aime, celui qui ne te donne pas, je ne l'aime pas. Non. Al-mahabba fillah, qala Allahu azza wa jal fil hadith al-qudusi, wajabat mahabbati lil-mutahabbina fiyya, walil-mutajalisina fiyya, walil-mutabadhirina fiyya. Haula yudhilluhum Allahu fi dhilli arshi, yawm al-qiyama. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في جلاله. Celui qui aime pour Allah, véritablement, Allah va le mettre sous l'ombre de son trône yom al-qiyam. Celui qui aime Allah véritablement, qui est sincère, véritablement, dans sa fraternité avec ses frères, Allah va lui donner son amour et rend même obligatoire le fait de l'aimer. Donc, c'est comme ça que tu dois être avec les gens. Les appeler au bien et les éloigner du mal autant que possible en leur enseignant la science profitable. Pas la science, les contes, les rêves. Non, la science. Ilm al-Qur'an wa sunnah. Ilm kalam al-Sahaba. Et tout ce qui permet de comprendre cette science comme le nahu, comme le sarf, comme le tajwid, comme le mustalah al-hadith, wasul al-fiqh et ainsi de suite. Aussi, tu leur fais du bien avec, dans la bienfaisance. Tu nourris celui qui a faim, tu donnes de l'argent à celui qui est pauvre. Tu essayes de faire le bien et de leur donner ce dont ils ont besoin. Tu couvres celui qui est nu, celui qui a froid. Wahakada. Puis, il nous dit, rahimahullahu ta'ala, نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحبوا الخلائق بالجسوب وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. ابن سعد رحمه الله تعالى ندي صاحب الخلائق بالجسوم وإنما. Ils accompagnent les créatures avec leur corps. وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. Alors que leurs âmes sont dans une station bien plus élevée. Et quelle est leur relation avec les gens? C'est que leur corps est dans ce bas monde. Ils essaient de leur faire du bien, mais leur âme, elle est dirigée vers Allah Azza wa Jal. Eux, ils aspirent à l'agrément d'Allah. Ils font pour Allah. Lorsqu'ils ne font pas, c'est pour Allah. Et lorsqu'ils font, c'est pour Allah. Leur objectif, obtenir l'agrément de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est leur relation avec les gens. Leur cœur est préoccupé par la recherche de l'agrément d'Allah. Et leur corps au service des gens, ils travaillent en essayant de leur faire parvenir le bien. Ils cherchent l'agrément d'Allah même si les gens se mettent en colère. Et ils ont peur de la colère d'Allah plus que de la colère des gens. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Le croyant n'a peur que d'Allah. Et il ne craint pas le reproche des gens lorsqu'il est sur la vérité, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, Ala billahi da'outu al-khala'iq wal-mashahida kullaha khawfan ala l'iman min nuqsani. Ici, c'est plutôt ra'aw al-haqa'iq wal-mashahid kullaha khawfan 'ala al-iman min nuqsan. Donc Shira a corrigé et a dit ra'aw al-haqa'iq wal-mashahid kullaha khawfan 'ala al-iman min nuqsan. C'est-à-dire تعاهدوا منازل الإيمان والإحسان بالرعاية. C'est-à-dire que constamment, ils prennent soin de vérifier l'état de leur islam, de leur foi, de leur religiosité, de peur que la foi diminue. La foi, elle s'entretient, parce que la foi, elle s'use comme le vêtement s'use, a dit le prophète. La foi s'use comme le vêtement s'use. Donc il faut prendre soin de cette foi-là. Il faut redorer cette foi, corriger cette foi, faire augmenter cette foi, s'éloigner des causes qui marquent sa diminution. Le prophète nous ordonne « Jaddidul imana fi qulubikum » Dans le recueil de l'imam al-Hakim, « Qala nabi sallam, inna l'imana l'akhlaq » لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله يجدد الإيمان في قلوبكم. Certes, la foi s'use. Certes, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous, à l'intérieur de l'un d'entre vous. Tout comme le vêtement s'use. Demandez donc à Allah de restaurer la foi en vos cœurs. Et comme vous le savez, la foi c'est un shajar, c'est un arbre. Et l'arbre, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, et si on ne vient pas régulièrement l'arroser pour qu'il devienne un arbre solide et dur, et ainsi de suite, que se passe-t-il? Il ne pousse pas convenablement. Peut-être même il meurt, ou il donne de mauvais fruits, et ainsi de suite. Donc il faut préserver l'arbre de la foi. Le serviteur doit être savant de son état. Il ne doit pas avancer sans faire ses comptes. Ce qu'on appelle muhasabatun nafs. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'amalun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, c'est-à-dire Yom al-Qiyama. Mais c'est tellement proche qu'on l'a appelé demain, comme a dit Ibn Sa'd rahimahullah dans le tafsir. Ittaqullah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Fais tes comptes, regarde ce que tu as avancé pour demain. Il faut observer l'état de notre foi, l'état de notre islam, l'état de notre cœur. Il ne faut pas être distrait. Quand on trouve du bien, on doit dire Alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Quand on trouve du mal, il faut se repentir, se corriger, questionner ceux qui savent comment pallier à ce défaut. Tout ça pour préserver notre islam, notre iman. Il faut préserver l'acte qu'on a fait. C'est encore plus important que l'acte lui-même. Quand tu as fait la bonne action, tu l'as fait sincèrement à la recherche de l'agrément d'Allah sur la sunna du prophète sallam. Tu as fait l'effort. Après ça, c'est pas fini. Tu dois t'éloigner de tout ce qui peut corrompre ton adoration, de tout ce qui peut entacher ton adoration, de tout ce qui peut l'annuler. On doit avoir peur d'annuler nos œuvres. Et la pire chose qui annule les œuvres, c'est le shirk. C'est le shirk. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes. Si vous commettez le shirk, toutes vos œuvres deviendront vaines, annulées. Et vous serez du nombre des perdants. Mais c'est plutôt Allah qu'il faut adorer, être du nombre des reconnaissants. Les gens reconnaissent. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et de la terre tout entière, elle ne fera qu'une poignée. Et les cieux sont pliés dans sa main droite. Exempt soit Allah de tout ce qu'il lui attribue comme défaut. Et lui associe. Élevé au-dessus de tout ce qui lui associe. Donc on doit s'éloigner de ce qui peut annuler la bonne action. S'éloigner de elle-même. Le fait de dire grâce à moi, moi j'ai fait. Non, le musulman il doit être humble, il doit savoir que c'est grâce à Allah. Il doit savoir que le fadl min Allah, wa law la fadl Allah wa rahmatuh, ma zaka minkum min ahad. Walakin Allah yuzakki man yasha. Fadlan min Allah wa ni'mah. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika hum ar-rashidun. Pour aller vers l'islam, pour adorer Allah, c'est que grâce à Allah. C'est Allah qui nous a fait aimer la foi. C'est Allah qui nous a fait délaisser et détester son contraire. Donc le musulman a peur de faire ce qui va annuler son action. Il a peur de commettre ce qui va annuler son action. Donc la personne s'efforce de faire l'action comme il plaît à Allah, puis de protéger cette action. Elle protège son islam, elle protège sa foi. Ensuite, Al-Nazim nous dit, rahimahullah ta'ala, عَزَفُ الْقُلُوبَ عَنِ الشَّوَاغِلِ كُلِّهَا قَدْ فَرَّغُوهَا مِنْ سِوَى الرَّحْمَانِ حَرَكَاتُهُمْ وَهُمُومُهُمْ وَعُزُومُهُمْ لِلَّهِ لَا لِلْخَلْقِ وَالشَّيْطَانِ نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان عزف القلوب عن الشواغل كلها. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, qu'ils ont détourné leur cœur de toutes les distractions. Ces gens-là, ceux qui ont emprunté le chemin vers l'agrément d'Allah et l'au-delà. عَزَفُ الْقُلُوبَ عَنِ الشَّوَارِ كُلِّهَا. Ils ont détourné leur cœur de tout ce qui peut distraire de ce qui plaît à Allah. ils ont détourné les cœurs de toute distraction, les ont complètement vidés d'autre chose que le tout miséricordieux. Allahu Akbar. Ils ont purifié leur cœur de toutes les occupations. Et ils ont vidé ces cœurs-là, si ce n'est de Ar-Rahman. Voici l'état du cœur de ces gens-là. Voici l'état du cœur de ces gens-là. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont rempli leur cœur d'amour d'Allah, de crainte d'Allah, de peur d'Allah, d'espoir en Allah. Ils reviennent constamment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'ils font, c'est à la recherche de l'agrément d'Allah. Et quand ils ne font pas une adoration, c'est pour avoir un moment de répit, pour mieux revenir vers Allah dans son adoration subhanahu wa ta'ala. Ils pensent à une chose au quotidien, de jour comme de nuit, comment vais-je atteindre l'agrément d'Allah? Et est-ce que Allah est satisfait de moi? Ils recherchent ce qui plaît à Allah. Ils s'éloignent de ce qui ne plaît pas à Allah. Et comment faire pour avoir cet état de cœur? Ils délaissent tout ce qui ne leur est pas profitable chez Allah. Ils font le tri en délaissant tout ce qui ne leur est pas profitable chez Allah. Ça, c'est haqiqatu zuhd. Tarkuka ma la yanfa'uka fil akhirah. C'est le fait de délaisser tout ce qui nous est pas profitable dans l'au-delà. C'est ça le zuhd. Non pas de délaisser la dunya entièrement. Non. Mais de délaisser ce qui ne nous est pas profitable dans l'au-delà. Il ne se contente pas de vider son cœur du mal ou de tout ce qui le distrait d'Allah, mais aussi le remplit de tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la recherche de la science, comme la prière, le zikr et ainsi de suite. Et une des plus grandes causes pour atteindre ce niveau, c'est de lire le Qur'an et de le méditer. أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَمْ لَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'ils ne méditent, ou plutôt, ne vont-ils pas méditer le Coran? Ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Celui qui lit le Coran avec méditation, Allah lui ouvrira de grandes portes vers sa connaissance, son amour, sa vénération. Et le meilleur de ce qu'il trouvera dans le Coran, c'est la description d'Allah, les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Wallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaib wa shahada, wal rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu, wal malik, al quddus, al salam, al mu'min. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Il étudie les noms d'Allah, il lit le Coran, il médite. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il étudie la connaissance d'Allah, les noms d'Allah, les attributs d'Allah, et il remplit son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a ces caractéristiques-là, il videra son cœur de tout autre que Allah. Et il déchargera son cœur de tout ce qui peut le distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'aura d'autre but au quotidien, si ce n'est la recherche de l'agrément d'Allah. Celui qui a un cœur comme ça, il sera dans un paradis dans ce bas-monde, avant d'entrer dans le paradis de l'au-delà. Les anciens disaient, Man lam yadkhul jannata ad-dunya lan yadkhul jannata al-akhirah. Celui qui n'entre pas dans le paradis de ce bas monde n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis de ce bas monde? Ils ont dit Ma'rifatullah wal-unsubih. Le paradis dans ce bas monde, c'est la connaissance d'Allah. Se sentir proche de lui. C'est aimer Allah plus que tout. C'est avoir l'élargissement de la poitrine par son évocation. La personne à ce moment-là, elle goûte au délice de la foi. Elle goûte au goût de la foi, du iman, ta'am al-iman, halawat al-iman. Ça, c'est le paradis de ce bas monde. Ces gens-là, même quand tu les vois travailler, s'occuper des choses de ce bas monde, c'est que en apparence, mais à l'intérieur, ils sont rattachés à Allah. Ils sont rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-Nazim rahimahullah ta'ala nous dit harakatuhum wa humumuhum wa 'uzumuhum lillah la lil khalq wa ash-shaytan. Ce qui signifie leurs mouvements, leurs intentions et leur détermination sont que pour Allah, non pas pour les créatures ni le diable. Lorsqu'il nous dit harakatuhum wa humumuhum wa 'uzumuhum, ici il nous mentionne les trois étapes du cœur pour le passage à l'action. Harakatuhum ay iradatuhum, leurs intentions. Wa humumuhum, ça c'est le haraka al maqrunatu bil azm. وَعُزُومُهُمْ, en plus de cela, يَتَهَيَّ لِلْفِعْلِ. Donc, leurs intentions, leurs déterminations, ou bien leurs intentions, leurs déterminations, leurs envies fermes, et leur détermination, tout cela est pour Allah. Tout cela est pour Allah. Quand il pense à faire un bien, quand il est déterminé à faire un bien, quand il prépare les causes pour faire le bien, tout ça, cet état du cœur, il est pour Allah. Pas pour les créatures, ni pour le diable. Et Nazim finit en faisant les éloges de ces gens-là, de ceux qui ont pris ces provisions et atteint et gravi et franchi toutes ces étapes pour aller vers Allah, pour aller vers la demeure de l'au-delà. Ni'ma ar-rafiq li talib as-subul lati. Ni'ma ar-rafiq li talib as-subul lati tufdi ila al-khayrat wal-ihsan. Quel bon compagnon, quel bon camarade pour le demandeur de ces chemins qui conduisent à l'acquisition de la bonté et de la bienfaisance. Ni'ma ar-rafiq. Ces gens dont vous venez d'entendre la description, ils délaissent le mal, ils prennent le bien. Ils sont sincères, ils recherchent l'agrément d'Allah, ils suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont l'espoir, la crainte, l'amour d'Allah. Ils ont tawakkul ala Allah, ils ont l'endurance, ils ont. Ils préservent les obligations, ils rajoutent les nawafil. Tout ce qu'on vient de mentionner, l'auteur nous dit, ni'ma ar-rafiq. Quel bon compagnon. Le musulman, il doit faire attention à ses fréquentations. Il doit choisir ces assises-là, fréquenter ces personnes-là, ceux qui ont ces caractéristiques-là. Et si lui se dit, je n'ai pas ces caractéristiques-là, qu'il ne s'interdise pas, lui, d'avoir comme fréquentation ceux qui les ont. Ainsi, ils vont le tirer vers le haut. Et ils vont s'entraider avec lui dans le bien. Wa ta'awanu al birri wa taqwa. Wa la ta'awanu al ithm wal udwan. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Allah Azza wa Jalla, c'est ces gens-là qui nous ordonnent de fréquenter et d'endurer avec eux. Quel bon camarade pour le demandeur de ces chemins qui mènent aux bonnes choses et à l'excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire attention à nos fréquentations. Faire attention à ceux qui rentrent chez nous. Le musulman ne doit pas fréquenter qui il veut et qui y aller tout le monde et n'importe qui. Là. Mais il trie ceux qui lui sont profitables. Il les fréquente, ceux qui sont nuisibles et s'en éloigne. Après leur avoir donné le conseil sincère, le prophète alayhi salatu wa sallam dit La yakulu ta'amaka illa taqi. Que ne mange de ta nourriture que la personne pieuse. Wala tusahibanna illa mu'mina. Et ne fréquente Voilà tout sahib illa mu'mina, qu'un croyant. Allah nous dit ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, le musulman, il doit chercher les bonnes assises et prendre dans ses fréquentations des gens qui cherchent à aller vers Allah, aller vers la demeure de l'au-delà. Wa man yuti' Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. On doit chercher cette compagnie, la meilleure compagnie, la plus élevée. Et en empruntant le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé, éclairci, parfaitement enseigné, on espère avoir la meilleure compagnie dans l'au-delà. La compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête sur cela. Walhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. On remercie Allah azza wa jalla, celui qui nous a permis de lire ce poème. As-sayru ila Allah wa ad-dari al-akhirah. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala fadlahu wa ihsanahu kama nas'alu tabaraka wa ta'ala yaghfir lana dhunubana wa yukaffir 'anna sayyi'atina wa yatawaffana ma'a al-abrar. يا حي يا قوم رحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا أنسى بعد شكر الله عز وجل أن أشكر القائمين على هذا المسجد وكل من تعاون معنا لإقامة هذه الدورة Et je n'oublie pas de remercier les responsables et tous ceux qui nous ont honorés de par leur présence et se sont entraidés avec nous dans Mada la préparation de ce séminaire. Jazakumullahu khayra.